الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 57 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة de Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen avec son commentaire, son explication du livre. Parce que ça c'est le livre de base et ça c'est l'explication. Tu vois? Donc il y a plus de détails. Ok. Donc on était en train d'expliquer les différents versets que le cheikh a mentionnés comme preuve sur le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Hein, dans le paradis et au jour de la résurrection. Et le verset que le cheikh avait mentionné dans le texte, c'était le verset dans Surat Al-Qiyama, le verset 22 et 23. Hein? C'est-à-dire ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Puis il a expliqué le cheikh qu'il y a d'autres versets dans le Coran qui supportent cet élément-là de la foi. Et on a mentionné 6 versets. Et donc maintenant il va passer aux hadiths, les preuves dans les hadiths authentiques au sujet de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Il dit « Wa amma al-ahadith » فإنها متواترة عن النبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قيل وذكرهما الكتابي الكتاني في نظم المتناثر نقلا عن الشيخ أبي عبد الله ابن محمد التاودي في حواشيه على الجامع الصحيح. Donc il dit مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. Donc ça c'est deux vers qui résument disons les points sur lesquels il y a des hadiths qui sont mutawatira. Qu'est-ce que ça veut dire mutawatira? Ça veut dire qu'ils sont rapportés par un très grand nombre de rapporteurs. Les hadiths qui sont rapportés par un très grand nombre de rapporteurs, on les appelle mutawatira, hein, ou mutawatir. Et il dit wa hakadha nazzamaha ba'd al-muhaddithin wa qawluhu hadhi ba'd, hein, يعني ليست هذه كل المتواتر. Donc il dit parmi les hadiths qui ont été rapportés avec at-tawatur, c'est-à-dire avec un très grand nombre de rapporteurs, le hadith qui dit man kadhaba, hein, mimma tawatara hadithu man kadhab. C'est quoi le hadith man kadhab? Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, celui qui ment à mon sujet volontairement ou intentionnellement, qu'il prépare sa chaise en enfer. Ça c'est un hadith mutawatir. Wa man bana lillahi baytan, hein, c'est-à-dire celui qui bâtit une maison pour Allah dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire une mosquée, il fait construire une mosquée ou il entretient une mosquée dans cette vie d'ici-bas, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Ça c'est un autre hadith mutawatir. Waru'yatun wa shafa'atun wal hawd, c'est-à-dire ar-ru'ya, c'est-à-dire le fait qu'on va voir Allah au jour de la résurrection. Ça aussi c'est un autre point qui est basé sur des hadiths qui sont mutawatir. Et ash-shafa'a, l'intercession des prophètes et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Ça aussi ça fait partie des questions qui sont mutawatira. Et al-hawd. Al-Hawd, c'est la fontaine ou le bassin duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection. Ça aussi, c'est mutawatir. Les hadiths sur ça sont mutawatir. Wa mas'hu khuffayn, c'est-à-dire les hadiths qui parlent du fait de passer les mains mouillées sur le dessus des chaussettes. Une fois que, hein, quand on a fait le wudu, on a lavé nos pieds, si on met par la suite nos chaussettes, c'est pas nécessaire la prochaine fois de les retirer. On peut uniquement passer nos mains qui sont mouillées sur le dessus de nos deux chaussettes. Et ça compte pour avoir essuyé les pieds. Ça compte, donc le wudu va être valable dans ce cas-là. Et c'est bon pour 24 heures. Hein? On peut le faire pendant 24 heures par la suite. Ça, c'est, il dit, wahadi ba'du, c'est-à-dire, ça, c'est certaines des questions qui sont mentionnées dans les hadiths qui sont mutawatir. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi. C'est pas les seules questions, mais ça, c'est certaines de ces questions-là qui sont supportées par des hadiths qui sont mutawatir. C'est-à-dire que, ils sont authentiques, et en plus, ils sont rapportés par un très grand nombre de rapporteurs, tellement grands, que c'est pas possible que ce soit pas vrai. إذ والشاهد من هذين البيتين قوله ورؤية والأحاديث المتواترة تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. Donc il dit donc que ces deux vers qu'on a cités, qu'est-ce qu'on peut tirer comme preuve par rapport au point dont on est en train de parler maintenant, c'est-à-dire la vue d'Allah au jour de la résurrection, c'est lorsqu'il dit ورؤية et les أحاديث qui sont mutawatir, elles donnent la certitude définitive, hein, définitive, et que c'est pas possible de l'opposer ou de le repousser. Tout ce qui est supporté par un hadith authentique à la base, tu dois l'accepter et ça donne la certitude. Sauf que lorsqu'il est mutawatir, c'est encore plus fort. Hein. Mais comme on a dit, c'est pas nécessaire pour que on accepte un hadith qu'il soit mutawatir. Il peut être ahad, comme certains disent, ahad, c'est-à-dire rapporté par un rapporteur ou deux. Et malgré tout, s'il est authentique, on doit l'accepter. C'est pas nécessaire qu'il soit rapporté par un nombre, hein, très grand de rapporteurs. Il dit ensuite, إذن فالآن عندنا القرآن ومتواتر السنة. Donc on a comme preuve pour affirmer que Allah, on va le voir au jour de la résurrection, les preuves du Coran qu'on a lu la semaine passée et les hadiths de la Sunna qui sont mutawatir. Hein? Il dit wa dalil al-thalith ijma'u al-salaf 'ala dhalik. Ijma'u al-salaf 'ala dhalik. Fama min ahad min as-sahabati wala at-tabi'in wala al-a'imma min ba'dihim qala inna Allah la yura. ولهذا أطلق بعض العلماء رحمهم الله الكفر على من أنكر رؤية الله وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية فقد أنكر معلوما بالضرورة من الدين وأطلق الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. Donc le cheikh il a dit, hein, parce que là le cheikh il n'a pas mentionné de hadith, mais on a mentionné des hadiths plus tôt, et parmi les hadiths qu'on a mentionnés, le hadith qui dit إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ وَكَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez voir votre Seigneur comme on peut voir la nuit, la pleine lune dans une nuit sans nuages, hein, dans une nuit claire. Et vous n'allez pas avoir à vous pousser les uns les autres pour pouvoir le voir. Hein. Et il dit la même chose pour le soleil en plein jour, lorsque le soleil est dans le ciel en plein jour et qu'il n'y a pas de nuages. Dans une autre narration de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur pose même la question aux sahaba. Il dit, est-ce que vous avez de la difficulté de voir la pleine lune quand il y a une nuit sans nuages? Ils disent non. Il dit, et est-ce que vous avez de la difficulté à voir le soleil en plein jour lorsque le soleil est apparent et qu'il n'y a pas de nuages? Et ils disent non. Alors il dit, c'est ainsi que vous allez voir votre Seigneur au jour de la résurrection. Donc ça, c'est la preuve que les croyants au jugement dernier, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, et que dans le paradis aussi, comme on l'a mentionné, les croyants vont pouvoir observer, regarder leur Seigneur, et ce sera le plus grand délice et le plus grand plaisir qu'ils vont pouvoir expérimenter et goûter dans le paradis. C'est-à-dire que dans tous les délices et les plaisirs du paradis, il n'y aura pas de plus grand plaisir que ce plaisir de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que c'est-à-dire qu'il n'y aura rien de plus beau que tu peux regarder, il n'y aura rien de plus beau qui existe que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il parle du consensus des salafs. Les salafs, c'est qui? Les salafs, c'est les pieux prédécesseurs, ce sont les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et leurs élèves, et les élèves de leurs élèves. C'est les trois premières générations des grands savants de l'islam et des imams de la Ummah. On parle d'eux en les désignant par le terme as-salaf. Et donc, quand on dit ici, le cheikh dit la troisième preuve, après les preuves du Coran et les preuves du hadith, il y a les preuves de la sunna. Les preuves de l'ijma' des salafs. Donc après les preuves des hadith, c'est le consensus des pieux prédécesseurs. Fama min ahadin, il n'y a aucun d'entre les sahaba, ni parmi leurs élèves, les tabi'in, ni parmi les imams qui sont venus après eux, il n'y a aucun d'entre eux qui est venu et qui a nié qu'on pourra voir Allah dans l'au-delà. Aucun des premiers musulmans des trois premières générations n'a jamais nié cela. Donc les premiers qui sont venus et qui ont nié ce genre de choses, c'est les gens qui sont venus après les trois premières générations, et ils ont ramené ça, cette négation-là, uniquement après avoir été affectés et influencés par les fausses philosophies et les idéologies extérieures à l'islam. Après, il dit, et c'est pour ça que les ulama, ils ont même considéré que c'était une forme de mécréance que de renier le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et ils ont dit que celui qui ne croit pas en cela, malgré les preuves apparentes et tranchantes et claires à ce sujet, alors c'est comme s'il a renié quelque chose qui est connu par nécessité de la religion de l'islam. Et donc, ils ont considérer la personne qui reniait ce genre de principe, c'est-à-dire qui renie le fait que nous pourrons voir Allah dans l'au-delà, ils ont considéré ça comme de la mécréance, comme du kufr. Voilà, ya'azou billah. Donc, la raison de ça, c'est parce qu'il y a des sectes, déviées qui sont apparues et qui ont commencé à vouloir nier ce genre de choses-là, qui font partie des choses établies dans le Coran et dans la Sunna, mais eux, ils se sont basés sur des idées qu'ils ont empruntées des philosophes et des Grecs, et ils ont voulu interpréter le Coran et la Sunna selon ces idées-là. Alors ils ont commencé à vouloir dire, bon, ça on l'accepte pas, malgré que c'est dans le Coran et dans la Sunna. Après, le cheikh il dit, ولكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ الجواب نعم. نحن نقول ما قاله هو لنفسه وهو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ الجواب لا، لأنه محروم على حد قوله سواء دعونا عليه أم لم ندعو، وهو يقول لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لا يعني لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن رؤية الله أمر محال، وأنه مما هو ممتنع على الله، وأنه هذا حرام، وأن هذا حرام، ولكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة سيقشعر جلده وينقبض قلبه وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم لأنه لأني لا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله يرى حقا وإنني إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها أنه دعاء من قلب فسوف يتأثر بلا شك حتى وإن صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الآخرة وأنت دعوت بما يوافق الواقع فإني لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un par exemple est-ce que c'est permis pour nous par exemple de faire un dua, une invocation à Allah et de dire oh Allah, celui qui nie ta vue dans l'au-delà, c'est-à-dire qui nie qu'on va pouvoir te voir dans l'au-delà, alors prive-le de cette vue-là. Est-ce que j'ai le droit de faire ce genre de dua? Et le cheikh il répond, il dit nous on le dit c'est-à-dire que de toute façon on sait qu'il en sera privé si il n'est pas croyant. Toute personne qui n'est pas croyant, il en sera privé. Et donc est-ce que si on invoque Allah par ce genre de dua, est-ce qu'on a transgressé dans notre invocation? Dans notre invocation, le cheikh il dit non, parce que de toute façon il en est privé de toute façon par sa propre parole. Peu importe qu'on fasse cette invocation-là contre lui ou qu'on ne la fasse pas, parce que lui-même, il refuse d'affirmer que Allah sera vu dans l'au-delà. Donc si je dis, oh Allah, fais qu'il soit parmi ceux qui puissent voir ton visage au jugement dernier, à ce moment-là, c'est là que je serai dans la transgression dans l'invocation, parce que je demande à ce qu'il voit Allah, alors que lui, il nie ça, et donc dans ce cas-là, lui, il dit que c'est une chose impossible, et que c'est impossible qu'on puisse voir Allah, et que ça, c'est interdit. Mais le cheikh dit, par contre, je crois que au fond de lui-même, si je suis devant lui, la personne qui nie la vue d'Allah au jour de la résurrection, si je viens devant lui, puis je lui dis, je demande à Allah qu'il te prive de sa vue au jour de la résurrection, c'est-à-dire que je demande à Allah qu'il fasse que tu ne puisses pas le voir au jour de la résurrection et que tu ne puisses pas regarder son visage. Il dit, même si au fond de lui, même si avec sa langue il dit qu'il croit pas en ça, mais je suis certain que au fond de lui il va sentir cette invocation là dans son cœur comme si ça va lui faire quelque chose. Il va sentir que ça lui fera quelque chose quand même. Pourquoi? Parce que yani, c'est un doigt qui est très fort, qui est très grand. Tu dis ça à quelqu'un, tu lui demandes, est-ce que tu crois qu'on peut voir Allah dans l'au-delà? Il dit non, je ne crois pas en ça. Puis après tu dis, d'accord, dans ce cas-là, je demande à Allah, je dis, oh Allah, prive-le de pouvoir te voir, de pouvoir regarder ton visage au jour de la résurrection. Il va sentir ce doigt-là, ça va lui faire très mal, même s'il dit qu'il ne croit pas en la vue d'Allah au jour de la résurrection. Il dit, Cheikh, inni ana ad'u bihi. Il dit pourquoi? Parce que moi je fais cette invocation-là en croyant que Allah peut être vu réellement dans l'au-delà au jour de la résurrection. Tandis que lui, même s'il le nie, ça va lui faire mal quand même. Ça va avoir un effet quand même sur lui. Il va sentir que ça lui fait mal dans son cœur. En tout cas, le cheikh il dit, pour résumer tout ça, il dit al-khulasatu nahnu walhamdulillah nu'minu bi anna Allah yura fil akhirah fi arasat al-qiyamah wa ba'd dukhul al-jannah. Donc en résumé, on croit par la gloire d'Allah qu'on pourra voir Allah au jour de la résurrection, sur le lieu du jugement et de la résurrection, et après l'entrée au paradis aussi. Il dit, وفي عرصات القيامة اختبارا وامتحانا وبعد دخول الجنة إكراما وامتنانا. Donc il dit que lorsque les gens vont voir Allah au jour de la résurrection sur le lieu de, du rassemblement et du jugement, ça c'est pour nous éprouver et pour nous tester. Tandis que la vue d'Allah dans le paradis, après être entré au paradis, ça c'est pour honorer les croyants, hein, et pour leur faire la faveur de nous permettre de le voir. Et il dit « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الرُّؤْيَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهَا بِالْعَيْنِ كَمَا قَالَ أَنْصَحُ الْخَلْقِ وَأَفْصَحُ الْخَلْقِ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالتَّشْبِيهُ هُنَا لِتَحْقِيقِ الرُّؤْيَا لَا لِتَمْثِيلِ الْمَرْءِ بِالْمَرْءِ » Le Cheikh il dit « Également, nous croyons que la vision d'Allah, le fait qu'on va voir Allah, c'est une vue qui est réelle, avec les yeux. C'est-à-dire, on va pouvoir le voir au jour de la résurrection avec nos yeux. Et on a déjà expliqué dans le cours passé que les versets dans le Coran qui mentionnent que on ne peut pas voir Allah, ça c'est les versets qui parlent de la vue d'Allah dans ce bas monde. Comme le verset lorsque Moussa alayhi salam il demande à Allah hein, de se montrer à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond et lui dit, regarde la montagne, si elle reste debout, alors tu me verras. Et quand il s'est manifesté à la montagne s'est pulvérisée, est devenue de la poussière. Et il est tombé foudroyé. Et ça c'est pour dire que, pourquoi ? Parce que dans ce bas monde, l'être humain n'est pas capable de supporter de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'est pas assez... il est créé faible, tandis que dans l'au-delà, la création sera différente. Les hommes seront capables de supporter cela, et donc c'est pour ça que ils vont pouvoir le voir dans l'au-delà. Et il y a des hadiths aussi qui indiquent que dans cette vie d'ici-bas, on peut pas le voir. Hein? Donc, mais dans l'au-delà, oui. Et donc les versets qui indiquent la vue d'Allah sont toujours des versets qui parle de la vue après la mort et non pas dans ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que on allait voir Allah avec autant de facilité que on a de la facilité à voir la lune la nuit quand c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas de nuages. Hein? Et c'est une comparaison dans la facilité de pouvoir regarder et voir, et non pas une comparaison entre qu'est-ce qui est vu. Hein? C'est-à-dire, on compare pas la lune à Allah, mais on compare la facilité de la vue de la lune et de la facilité de voir Allah. Je pense qu'il y a une sœur qui veut rentrer. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أُسُسٍ أصول عظيمة الكتاب والسنة وإجماع السلف فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والذي يراه في عرصات القيامة هم المؤمنون المنافقون والمنافقون فقط. Donc le cheikh il dit, nous croyons que cette aqida, cette croyance, cet élément parmi les éléments de la croyance, est basé sur trois fondements et trois bases, trois grandes bases, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et l'ijma' des salaf. Et il dit, il n'y a aucun d'entre les salaf qui a nié que wa alaykoum salam wa rahmatullah, qui a nié qu'on puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et il dit, nous croyons que les kuffars, les non-croyants, seront voilés d'Allah. Ils ne pourront pas voir Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans surat Al-Mutaffifin, lorsqu'il dit, « Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjoubun. » Et il dit, et nous voyons que ceux qui vont voir Allah au jour de la résurrection, ce sont les croyants et les hypocrites seulement. Il dit, ce sont les croyants et les hypocrites seulement. Donc, les croyants, les mu'minoun et les munafiqoun vont voir Allah. Et après, Allah va les voiler aussi, ils ne pourront pas le voir par la suite, et ça sera comme un châtiment pour eux. Il dit والحكمة من ذلك أي من تمكين المنافقين من رؤيته إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين حسرة عظيمة فيؤمرون بالسجود فلا يستطيعون ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيزدادون حسرة لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية وهذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل. Donc le cheikh, il explique maintenant qu'est-ce que je disais tout à l'heure, que la sagesse de permettre aux hypocrites de voir Allah subhanahu wa ta'ala au début, puis que par la suite ils en seront privés, eh bien c'est pour montrer le désespoir que ces gens-là vont ressentir par la suite. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, lorsqu'ils vont voir Allah, Allah va ordonner qu'ils se prosternent et les croyants vont se prosterner. Tandis que les hypocrites, eux, eh bien, ils vont essayer de se prosterner, mais ils ne seront pas capables. Parce que au moment où ils vont arriver pour se prosterner, leur colonne vertébrale va devenir comme une barre. Comme une barre fixe. Et ils seront incapables de se pencher ou de s'incliner ou de se prosterner. Et ils vont tomber sur le dos au lieu de se prosterner. Alors le cheikh il dit ils ne vont pas être capables, et il dit donc ils vont avoir vu Allah, mais ils vont être privés de le voir par la suite, et on va placer entre eux entre les croyants et les munafiqins une barrière sourde. Batinuhu fihi ar-rahma, son côté caché il y a la miséricorde, et de côté apparent il y a le châtiment qui est de leur côté. Et donc ils vont voir le remords et le désespoir augmenter. Il dit parce que quand quelqu'un tu lui montres ce qu'il aime, puis après tu lui prives de cette chose, c'est plus dur pour lui que s'il ne l'avait pas vu du tout. C'est comme si par exemple tu lui montres quelque chose, tu dis regarde, tu vois cette chose, c'est la dernière fois que tu le vois, tu le verras plus jamais. Et lui il va toujours souhaiter pouvoir le revoir encore, mais le fait qu'il ne puisse plus jamais le revoir, ça ne va faire qu'augmenter son désespoir et ses remords dans son âme. Donc le châtiment de l'enfer, c'est pas seulement un châtiment corporel, c'est aussi un châtiment intérieur aussi, un châtiment du cœur, un châtiment spirituel et de l'âme qui est châtié en même temps. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans sourate Al-Hatam, il dit tattali'u 'ala al-af'ida, tattali'u 'ala al-af'ida. Donc le feu de l'enfer, non seulement il brûle le corps des hommes, mais il rentre même à l'intérieur. Il rentre même à l'intérieur pour même brûler les cœurs. Et les remords des gens de l'enfer, ils ne font qu'augmenter avec le temps. Au fur et à mesure qu'ils se font châtier, ils ne font qu'augmenter et augmenter de remords, et de désespoir. Donc ça, c'est un châtiment, c'est peut-être même pire que le châtiment physique. Le châtiment du feu. Et donc il dit ensuite, le cheikh dit فَإِذَا إِنْ قَالَ قَائِلْ رُؤْيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي الْجَنَّةِ مُتَكَرَّرَةٌ أَمْ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَالْجَوَابُ لَا أَدْرِي وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ يَوْمَ الْمَزِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَأْذَنُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَزُورُوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يعني ما يقابل يوم الجمعة. ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. Donc il dit, le cheikh, il dit, est-ce que la vue d'Allah dans le paradis pour les croyants, est-ce que c'est plusieurs fois que ça se répète ou bien c'est une seule fois? Et le cheikh, il répond, il dit, je ne sais pas. Il dit, il a été mentionné qu'il y aura un jour qu'on appelle dans le paradis Yawm al-Mazid, qui est le jour du vendredi. Les gens qui vont aller ce jour-là, hein, ils vont voir Allah. Quand ils reviennent, ils sont plus beaux que avant d'être partis. Et il dit, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala permet aux habitants du paradis de visiter Allah subhanahu wa ta'ala pour le regarder. Et il dit que dans l'expression de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, il dit, ils vont le voir après être rentrés au paradis comme Allah le veut. Comme Allah le veut. Donc ça veut dire que c'est Allah qui détermine ou qui décide combien de fois et quand les croyants vont le voir. Mais on ne sait pas les détails à ce sujet-là. Maintenant, sur le point suivant que le cheikh il a mentionné, c'est, il dit, وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ لَا مِثْلَ لَهُ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et donc il dit dans ce point-là, qu'est-ce qu'il dit? Et nous croyons que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui soit comparable à lui. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Il entend tout et il voit tout. Et donc le cheikh il explique ce point-là. Ça c'est un point important aussi. مسألة عندما يأتي الله عز وجل للفصل بين الخلائق هل يراه المؤمنون أم لا؟ الجواب يحتمل أنهم يرونه ولكن الظاهر أنهم لا يرونه لأن الله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا فيوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النير وتنزل الملائكة ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. Donc, le cheikh, il explique, parce que il y a un point qui a été une question qui a été posée. Lorsque Allah va venir au jour de la résurrection pour juger entre les créatures, est-ce que les croyants vont le voir à ce moment-là ou non? Et le cheikh, il dit, يحتمل أنهم يرونه. Il dit, يعني, c'est possible qu'ils le voient. Mais il dit, c'est pas, le sens apparent, c'est qu'est-ce qui en apparence, c'est qu'ils ne le verront pas, parce que il mentionne les versets dans le Coran qui indiquent que yani Allah subhanahu wa ta'ala il descend dans les nuées, hein, avec les anges à ce moment-là. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. OK. Donc le verset dit, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, hein, et que leur sort soit réglé, et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Et également l'autre verset aussi, donc c'est ça, l'autre verset c'est dans Surat Al-Furqan, le verset 25. يوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. C'est-à-dire, et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on verra descendre des anges. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen ici, il dit que donc c'est possible que on voit Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'est-ce qui est apparent, c'est qu'on ne puisse pas le voir. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que le ciel sera fendu et que on verra les nuées qui sont éblouissantes et illuminées, et on verra descendre les anges et et on verra Allah subhanahu wa ta'ala qui descend dans les nuées. Donc c'est comme si en voulant dire qu'il y aura les nuages et qu'on ne pourra pas vraiment voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ici. Puis ensuite, en ce qui concerne l'autre verset, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit croire que rien ne lui ressemble, à cause de la perfection de ses attributs, et comme il le dit lui-même, rien ne lui ressemble, et il le dit, il le voyait, et il dit, بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها رؤية الله عز وجل عز وجل أي رؤية المؤمنين ربهم نذكر هنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية ويسميها بعضهم الصفات المنفية وهذا التعبير أحسن فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية أي ثابتة ومنفية وضابط الصفات المنفية أولا أنه ينتفي عن الله تعالى كل صفة عيب وثانيا أنه ينتفي عن الله كل صفة نقص في كمال وثالثا أنه ينتفي عن الله كل مماثلة للمخلوقين. Donc le cheikh il explique que après avoir parlé des attributs, on a expliqué un peu de choses par rapport aux attributs d'Allah, et en dernier on a mentionné donc le fait que Allah sera vu au jour de la résurrection et dans le paradis, et il dit que on mentionne maintenant certains des attributs de négation. Qu'est-ce que ça veut dire les attributs de négation? Ça veut dire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié. Qu'est-ce qu'il a nié à propos de sa personne? Et il dit que il y a les règles à propos des attributs de négation. C'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à propos de lui-même tout attribut qui représente un défaut ou une imperfection ou bien une ressemblance aux créatures. Et donc il explique. Il dit fasifatul manfiya عن الله تعالى أولا صفات العيب فلا تذكر إلا لله إطلاقا مثل العمى فهو منتف فهو منفي عن الله. Donc tout attribut qui représente un défaut, alors ça ne doit même pas être mentionné à propos d'Allah de façon absolue, comme par exemple le fait d'être aveugle. Ça, on le nie totalement à propos d'Allah. Hatta walaw lam yarid fi shar'a. Hatta walaw lam yarid fi shar'a anna Allah laysa bi'awar fa innana naqul innahu la yumkinu an yakuna a'ma. Li'anna al-'ama naqsun wa li hadha 'aba Ibrahim alayhi salam ala abihi hinama qala lahu ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Il dit même s'il n'aurait pas été mentionné dans les textes de la révélation que Allah n'est pas borgne, contrairement au Dajjal qui est borgne, il a dit votre Seigneur n'est pas borgne, même si c'était pas mentionné dans les textes, on aurait quand même dit qu'il n'est pas possible que Allah soit aveugle, parce que le fait d'être aveugle c'est un défaut, une imperfection. Et même que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a blâmé son père, lorsqu'il adorait les idoles, il lui a dit « Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre ni voir ?» Et donc ça c'est une critique qu'il faisait aux idoles. Et donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient et il est voyant. Deuxièmement, il dit « Thaniyan, kullu naqsin fi صفة كماله يعني أن صفاته الكاملة لا يمكن أن يعتريها نقص. مثال ذلك بصره لا يمكن أن يضعف، وسمعه لا يمكن أن يضعف، وقوته لا يمكن أن تضعف أبدا. Donc le cheikh il dit de même qu'il ne peut pas y avoir d'imperfection dans ses attributs de perfection. Donc par exemple, toutes les attributs d'Allah sont parfaites et complètes, et il n'est pas possible qu'il y ait aucune imperfection dans ses attributs de perfection. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est voyant, il n'est pas possible que sa vue soit faible ou qu'elle s'affaiblisse. De même que son ouïe, il n'est pas possible que son ouïe s'affaiblisse. Et de même que sa puissance, il n'est pas possible qu'elle s'affaiblisse. Hein? Il dit والفرق بين الأول والثاني أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال وهو نقصها. Donc la différence entre la première et la deuxième qu'on a mentionnée, c'est que la première, c'est de renier l'imperfection, le défaut, de façon absolue. Tandis que le deuxième, c'est de nier un défaut ou une imperfection dans l'attribut de perfection. C'est ça la différence entre les deux. Et le troisième point, مُمَثَلَةُ الْمَخْلُوقِينَ فَيَجِبُ نَفْيُ مُمَثَلَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَخْلُوقِ حَتَّى وَإِنْ كَانَتْ كَمَالًا فِي الْمَخْلُوقِ فإن قال قائل في القاعدة إن جميع الصفات المنفية السلبية هي مثبتة لكمال ضدها، وقيل إن هذا من تقابل العدم الملكية يعني وعن معنى تقابل العدم والملكية. نعم. Donc le cheikh il dit فكل ما هذا شأنه فلا يتصف به الله، فالجواب هذا غلط. ونقول من قال أن الله لا يقبل هذا النفي، يعني إذا قال أن إنه لا يموت ننفي عنه الموت لأنه يقابل الموت، لأنه لا يقبل الموت، ننفي عنه الموت لأنه لا يقبل الموت، كما تقول الكتاب لا يموت. فنقول من قال إن هذا من باب تقابل العدم والملكية أو الملكة، يعني ثم إنهم يقولون إن الله لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم تقابلهما من باب تقابل السلب والإيجاب، فقد اتفق على امتناعه. ثم إذا قلت إنه لا يقبل أو لا يقبل، لا يقبل صار أشد، يعني فما ليس بسميع ولا بصير وهو مقابل لذلك أحسن حالا ممن يقبل أن يكون سميعا أو بصيرا. على كل حال، الشيخ il explique en troisième point que يعني الله سبحانه وتعالى il ne ressemble à aucune de ses créatures. Il ne ressemble à aucune de ses créatures, donc il faut nier toute ressemblance des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala, même si il s'agit d'une perfection chez les créatures. Même si chez les créatures, pour eux c'est une perfection, cet attribut-là chez les créatures est une perfection, mais on n'a pas le droit de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, la règle, c'est quoi? C'est qu'on affirme à Allah tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, et on nie à Allah tout ce que Allah s'est nié pour lui-même, hein, en affirmant son parfait opposé, ou son parfait contraire. Comme par exemple, si on dit que Allah ne fait pas d'injustice, ça implique que Allah, il est parfaitement juste. Hein? Et si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne meurt pas, eh bien ça implique que sa vie elle est parfaite. Et si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant ou n'a pas d'épouse, eh bien ça, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Il n'a aucun besoin. Il n'a besoin de quoi que ce soit. Et il est l'unique. Hein? Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre point ici, mais on va, je vais passer par-dessus parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc, je veux pas le rentrer dans les détails de cette question-là. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Puis ensuite, il dit: wa qawluhu wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la mithla lahu li kamal sifatihi la li adam sifatihi fa laysa li adam sifatihi laysa lahu mithl li annahu ma min mawjud illa wa lahu sifah wa laysa hadha al murad bal al murad li kamal sifatihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on doit croire que il n'y a rien qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que ses attributs sont des attributs de perfection. Donc il n'y a rien qui peut lui ressembler, puisqu'il n'y a personne qui est parfait excepté, hein, ou qui a des attributs de perfection excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: wa amma ahlu at-ta'til fa qalu la mithla lahu li adami sifatihi wa ala za'mihim, hein, ala za'mihim fa ankaru sifatahu. يعني أنه لا يوصف بأي صفة للمخلوق ونحن نقول لا مثل له لكمال صفاته لا أحد يدانيه في صفاته فانتبه للفرق فكل أهل التعطيل لو سألناهم لماذا عطلتم لقالوا لأنكم لو أثبتتم كذا لكان مشابها أو مماثلا للمخلوق فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته لأنه ليس له عندهم صفة وهذا لا شك أنه قول منكر بل نقول لا مثل له لكمال صفاته. Donc ici, qu'est-ce que le cheikh il veut dire? Il veut dire que les gens qui nient les attributs d'Allah parmi les Mu'tazila, les Jahmiya et les gens de Bid'a, les Asha'ira, quand ils nient, hein, ou quand ils disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble dans ses attributs, eux, ils veulent dire par là que ils refusent d'affirmer même à Allah les attributs que Allah s'est affirmé à lui-même sous prétexte que ce sont des ressemblances aux attributs des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il utilise certains attributs pour se décrire, et on retrouve ces mêmes appellations là parfois pour certaines créatures, d'accord? Comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est Samir, Basir, hein, Basir, il est voyant et il est audient. Pourtant, il y a des créatures qui sont voyantes et audientes aussi, comme les êtres humains, comme les animaux. On entend et on voit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa création? Non. Malgré qu'on utilise les mêmes mots pour décrire les attributs d'Allah, les attributs des créatures dans certaines des attributs, ça ne veut pas dire qu'il y a une ressemblance entre les deux. Parce que l'attribut d'Allah est un attribut qui correspond à sa majesté et à sa perfection, et l'attribut des créatures correspond à la créature. Et donc, si tu dis la vue d'Allah, c'est une vue parfaite. La vue des créatures, c'est une vue qui est limitée, qui correspond à la créature. Et donc, on va pas dire, par exemple, comme contrairement aux gens de Bid'a, eux qui disent non, Allah n'a pas de vue, hein, ou Allah n'a pas d'ouï. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de nier la ressemblance. Nous, on dit qu'on n'a pas besoin de nier l'attribut pour nier la ressemblance. On peut affirmer l'attribut tout en niant la ressemblance. Hein? Et c'est ça qui est la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Eux, ils pensent que pour nier la ressemblance, il faut nier l'attribut. Nous, on dit non, même si c'est le même nom qui est employé, ça n'implique pas la ressemblance. D'accord? Regardez la vue de l'être humain et la vue de l'aigle, hein? Ou la vue du chien et la vue du hibou. C'est différent. Le hibou, il peut voir la nuit dans le noir. Nous, on ne peut pas voir dans le noir. Hein? Exactement. Exactement. Donc, si on compare même entre les créatures, il y a des petites différences comme ça. Donc, la différence entre le créateur et la créature, c'est encore plus grand comme différence. Il n'y a même pas de comparaison possible. Exactement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à la négation. D'accord? Et donc, quand eux, ils disent qu'il n'y a pas de ressemblance entre les attributs du créateur et de la créature, eux, ils prétendent que c'est parce que Allah n'a pas d'attributs. Et nous, on dit non, c'est pas parce qu'il n'a pas l'attribut. C'est parce qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux à cause de la perfection de ses attributs. Et non pas à cause de l'absence de ses attributs. Donc c'est ça qu'il fait, cette nuance-là, qui est importante à comprendre. يعني الجهمية هم هذا وقعوا فيه. يعني هذا ما وقعوا فيه. Les Jahmiyyah, c'est les plus extrémistes dans ça. Ils ont nié à propos d'Allah et ses noms et ses attributs. Ils disent on n'a pas le droit de décrire Allah d'aucune façon. Et même qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, on ne doit pas l'affirmer à propos d'Allah. Hein? Ils ont dit pourquoi? Parce que c'est des attributs qui impliquent une ressemblance. Et si tu dis que Allah ressemble à sa création, alors tu es mécréant. Donc pour eux, qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, c'est de la mécréance. Ça, c'est une contradiction, c'est insensé. Ils disent la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe. Rien d'autre. On ne peut pas dire autre chose que ça, sinon on le fait ressembler à sa création. Les Mu'tazila, eux, ils ont été un peu moins extrêmes que les Jahmiyyah. Ils ont dit oui, on affirme que Allah a des noms, mais on nie tous les attributs. Donc tous les noms que Allah possède, pour eux, sont des noms sans aucune signification. Donc le fait qu'Allah soit As-Sami', ça ne veut pas dire qu'il a As-Sama'. Et ils disent souvent ça. Ils disent Sami'un bila Sama', Basirun bila Basar, Alimun bila Ilm. Yani c'est encore plus ridicule. Mais disons que yani, les ulama, ils ont dit s'ils ont affirmé les noms, ça implique indirectement qu'ils affirment les attributs. Parce que les noms ont des significations. Et c'est ces significations-là qui représentent les attributs qui sont reliés à ces noms-là. Donc, eux, ils se contredisent en affirmant le nom et en niant l'attribut. Hein? Donc, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, bon, ils se contredisent. Donc, ils affirment le nom, donc ça implique l'attribut, même s'ils le nient. D'accord? Donc, ils sont un peu moins graves que les Jahmiyyah. Puis, il y a les Asha'ira qui sont apparus par la suite. Et c'est drôle parce que chacun d'entre eux sont apparus pour réfuter le précédent. Les Mu'tazila sont venus pour réfuter les Jahmiyyah. Donc, ils ont affirmé les noms, ils ont nié les attributs, ils ont voulu réfuter les Jahmiyyah. Parce qu'ils ont compris que les Jahmiyyah, eux, ils sont tombés dans la négation de l'existence même d'Allah. Sont des athées en fait. Et les Mu'tazila, eux, ils ont dit on va les réfuter, hein, d'une partie. Et ils ont dit donc on va affirmer les noms mais on nie les attributs. Donc ils ont essayé de réparer le problème mais ils n'ont pas été capables de le réparer complètement. Puis après les Asha'ira sont arrivés eux aussi, ils ont voulu réfuter les Mu'tazila. Hein? Mais ils l'ont fait encore une fois à moitié parce qu'ils ont dit nous on va juste affirmer cet attribut. Puis les autres, on va les déformer, on va les interpréter d'une autre manière. Puis on va affirmer les noms. Donc, ils ont essayé de faire un autre pas encore, en acceptant cet attribut et en déformant les autres. Et même c'est cet attribut-là qu'ils ont affirmé, comme la vue, l'ouïe, la science, yani la sagesse, la parole et la puissance et la volonté, ça c'est les sept attributs qu'ils ont affirmés à Allah, mais les autres ils ont refusé de les affirmer. Hein? Donc ils ont fait un pas de plus, mais ils n'ont pas accepté d'affirmer tout au complet. Puis les gens de la Sunna, avant l'apparition de ces sectes-là, Hein? Ils acceptaient tout ce que Allah a mentionné dans le Coran et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah dans la sunna, et ils ne rejetaient rien de cela. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on a dit, il n'y a pas de raison de renier quoi que ce soit de ça, hein? Parce qu'il y a même pas, à la base il n'y a même pas de ressemblance entre le créateur et la créature, hein? Donc c'est pour ça qu'on dit wa dalilu ala dhalika قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء شيء نكرة سفا عبد الملك ما شاء الله نكرة في سياق النفي فتكون عامة لا يماثله شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته. Donc quand Allah il dit y a rien, rien ça veut dire pas du tout, hein? Y a pas une chose qui puisse lui ressembler ou être comparable à lui, hein, dans toutes ses créatures, sans exception, à cause de la perfection de ses attributs. Wa huwa as-sami'ul basir, ay dhis-sam'i al-kamil wal-basari al-kamil, wa qad sabaqa al-kalamu an hadhihi al-aya bi nafsiha, fala hajata li'i'adati al-kalami 'alayha. Donc wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire c'est lui qui détient l'ouïe parfaite et la vue parfaite. Et il dit, on a déjà expliqué ce verset-là indépendamment, hein, par lui-même, donc on n'a pas besoin de le réexpliquer encore une fois, puisqu'on en a déjà parlé. Il dit, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّمِيَتِهِ. Et nous croyons que il n'est pas touché ni par la somnolence, ni par le sommeil. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tu peux le garder. De rien, mon frère. Barakallahu fik. Ça me fait plaisir, mon frère. Barakallahu fik. À bientôt. À la prochaine. Donc, il n'est pas touché ni par la somnolence, ni par le sommeil. Hein? À cause de la perfection de sa vie, hein? Et du fait que hein, il se tient par lui-même, il n'a besoin de rien. Hein, il n'a besoin de rien. Et tout a besoin de lui. Et ça, c'est. On en a parlé quand on a expliqué le verset dans. Yani, Surat al-Baqarah, Ayatul Kursi. On a expliqué ce verset-là. Après, le cheikh, il dit. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس وهو مقدمة النوم والنوم معروف وبعضهم قال النوم بأنه غشية ثقيلة تعتري الدماغ فيفقد الإنسان الإحساس وأنا لو أتصور أن هذا هو النوم ما نمت فالنوم هو النوم وانظر إلى التعبير لا تأخذه أي لا تغلبه بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم وكذلك النعاس ولذلك يقول العوام النوم سلطان جائر فالنوم لا يحرم لا يحرم فمتى جاء النوم للإنسان فلا بد أن ينام ولكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. Cheikh il dit que en arabe le mot sina, sinatun, ça veut dire la somnolence. C'est qu'est-ce qui vient avant le sommeil, hein? Tu commences à t'endormir, hein? Tu commences à somnoler comme Hassan maintenant. Des fois, on dit la somnolence quand on est fatigué, on cogne des clous. Hein? C'est-à-dire que la tête elle commence à cogner comme ça, elle tombe. Hein? Sans même que tu t'en aperçoives des fois. Donc, yani, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la somnolence. Et un nom, c'est, yani, c'est le sommeil profond. Le fait que quand tu perds conscience de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Hein? Parce que quand tu dors, tu n'es pas conscient que qu'est-ce qui se passe. Hein? Et là, le cheikh, il a mentionné une définition qui a été mentionnée à propos du sommeil. Et après, il a dit, écoutez, si c'était ça la définition du sommeil, dans ce cas-là, moi, je dormirai pas parce que le sommeil, c'est le sommeil. On n'a pas besoin de compliquer trop l'explication de qu'est-ce que c'est. On sait le sommeil, qu'est-ce que c'est. Pas besoin de rentrer dans des explications philosophiques. Après, le cheikh il mentionne ensuite que Allah il dit la ta'khudhuhu, c'est-à-dire le sommeil il ne peut pas prendre le dessus sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il n'est pas touché du tout ni par la somnolence ni par la fatigue, tandis que les êtres humains, même quand ils sont en bonne santé, hein, le sommeil prend le dessus sur eux. Si tu restes comme ça, tu dis moi je vais jamais dormir ou je vais pas dormir, je vais rester réveillé, je vais pas dormir pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, après un certain nombre de temps, tu pourras plus te retenir. Tu vas tomber endormi malgré toi. Hein? Et puis, bon, je ne sais pas combien de temps maximum une personne peut rester sans dormir, mais après un certain moment donné, quelqu'un il tombe, c'est normal. Et même que j'ai entendu que dans certains pays, en Asie ou je ne sais pas quoi, ils voulaient torturer des gens. Eh bien, la façon comment ils faisaient, c'est qu'ils les empêchaient de dormir. Et ça, c'était une méthode de torture. Après un certain temps, la personne commence à être complètement désorientée, déboussolée, puis elle est prête à avouer n'importe quoi. Donc, c'est pour dire, c'est pour dire qu'à un moment donné, tu peux plus. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas affecté du tout, ni par le sommeil, ni par la somnolence. Le cheikh dit ensuite. وهل ينام الله باختيار الجواب انه لا ينام باختياره لان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يعني لا يليق به ان ينام لان النوم نقص يستفاد منه بنقص تعب سابق وتجديد قوه لاحقه ولهذا إذا نام الإنسان بعد تعب يستريح ثم يقوم نشيطا فلا يمكن أن يكون أحد محتاجا إلى نوم إلا وهو ناقص أما الرب جل وعلا فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم. Il dit, mais si on dit que Allah il peut pas être pris par le sommeil, est-ce qu'il peut dormir volontairement? Le cheikh il dit non, il ne peut pas dormir volontairement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abu Musa al-Ash'ari, Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas convenable à Allah. Pourquoi? Parce que le sommeil est une imperfection, c'est une faiblesse, hein? Ça vient après la fatigue. Et pour régénérer la force et l'énergie. Donc, un être humain, hein, quand il dort après la fatigue pour se reposer. Et quand il se réveille, il est en forme. Il a rechargé, hein, sa batterie, comme on dit. Donc, c'est pas possible que quelqu'un ait besoin de dormir, excepté parce qu'il a une faiblesse, ou un défaut, ou un manque. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie elle est complète et parfaite, donc il n'a pas besoin de dormir. Et il dit wa qawluhu, hein, li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, yani à cause de la perfection de la vie d'Allah et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est celui qui a, hein, besoin de rien, qui se suffit à lui-même, donc il n'a pas besoin de sommeil. Il dit لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى النوم والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء والله تعالى قائم على كل شيء قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت والمعادل محذوف والتقدير كمن لا يملك شيئا ولهذا قال تعالى بعدها وجعلوا لله شركاء فالله قائما على كل شيء فلا يمكن أن يوجد في الأرض ولا في السماء إلا بأمره وإذا كان كذلك فهل يليق أن ينام الجواب لا ولو إذ لو نام لفاتت القيومية ولكمال حياته وكمال قيوميته فلا تأخذ سنة ولا نوم. Il dit, le cheikh, il dit, quand tu regardes les chrétiens aussi, il a mentionné ça déjà, les chrétiens, ils disent, et les juifs aussi, que le septième jour, Allah s'est reposé. Ça veut dire qu'il était fatigué ou quoi? Ça, c'est du kufr. C'est pour ça que dans le Coran, Allah, il a nié ça. Il a dit qu'il a créé les cieux et la terre. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Nous avons créé les cieux et la terre en six jours et aucune fatigue ne nous a touchés. Donc il a nié cette erreur-là que les juifs ont attribuée à Allah, qu'il était fatigué et qu'il s'est reposé le septième jour. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de se reposer parce qu'il ne se fatigue pas à la base. Donc ceux qui ont attribué à Allah la fatigue, c'est ils n'ont pas respecté Allah et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste mesure et à sa juste valeur. Ici ensuite le cheikh il explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala sa vie elle est parfaite. S'il dort ou s'il dormait, qui allait contrôler les cieux et la terre pendant son sommeil? Donc c'est pour dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers au millième de millième de millième de fraction de seconde. Alors il n'y a pas d'espace pour le sommeil là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala donc, il contrôle tout et il gère tout dans sa création et il a besoin de rien et tout a besoin de lui. Donc il n'a pas de sommeil, il n'a pas de fatigue, il n'a pas de besoin. Et il mentionne ça, le cheikh il cite le verset 33 dans Surat Ar-Ra'd à ce sujet-là. فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ. Celui qui se tient sur toute âme pour ce qu'elle a acquis. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est responsable de toutes les âmes et qui va les juger, chacune d'entre elles. Et c'est pour ça qu'il dit après, et ils ont donné à Allah des partenaires et des associés. Donc Allah il n'a pas de partenaires, il n'a pas d'associés. C'est lui qui contrôle tout dans les cieux et sur la terre et tout est par son commandement. Donc si c'est le cas, alors comment pourrait-il dormir? Et la réponse est non, il ne dort pas parce qu'il est parfait. Il se suffit à lui-même et c'est lui qui gère tout et qui contrôle tout et sa vie est parfaite. Et donc il n'est pas affecté ni par le sommeil ni la somnolence. Il dit ensuite wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahada. On croit également que il ne fait pas d'injustice à personne, li kamali adlihi, à cause de la perfection de sa justice. Donc Allah ne fait d'injustice à personne. Et il explique ça. Il dit وَالظُّلْمُ هُوَ النَّقْصُ وَالْعُدْوَانُ فَالظُّلْمُ يَدُورُ بَيْنَ عَلَى هَذَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا نَقْصٌ وَاجِبٌ وَإِمَّا عُدْوَانٌ فَمَثَلًا إِذًا أَوْفَيْتَ مَنْ يَطْلُبَكَ بِمِئَةً بمئتين يعني أوفيت من يطلبك بمئة بمئتين على أن لا يطالبك غيرها فهذا يسمى نقصا وإما أن نعتدي على آخر ونأخذ من ماله فهذا عدوان وكلاهما ظلم وأصل الظلم في اللغة النقص قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني أي لم تنقص فالله عز وجل لا يظلم يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله ولو حمله لكان هذا عدوانا ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله فهذا نقص. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا يخاف هضم يعني بنقص حسناته فلكمال عدل الله لا يظلم. Le cheikh dit donc que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne à cause de la perfection de sa justice. Donc l'injustice, c'est quoi? En arabe, c'est al-dhulm. Et al-dhulm, c'est le fait de diminuer ou de transgresser. Et il dit que l'injustice, ça tourne donc autour de ces deux choses. Soit de diminuer de ce qui est obligatoire, ou de transgresser en dépassant la limite. Et donc, il dit par exemple, yani, celui qui, tu lui dois par exemple 200, et puis tu lui donnes 100 au lieu de lui donner 200. Hein? Donc il manque. Donc ça, c'est un manque dans qu'est-ce que tu dois lui remettre. Tandis que si tu transgresses contre quelqu'un en lui prenant son argent sans permission, ça c'est de la transgression. Et les deux, c'est de l'injustice. Les deux, c'est de l'injustice. Donc tu peux faire de l'injustice en enlevant ou en prenant. Hein, ou en enlevant, c'est-à-dire en faisant moins, ou en donnant moins, ou bien en transgressant contre les autres, en leur faisant l'injustice, en leur faisant du tort. Et le cheikh, il mentionne l'exemple du terme « dhulm » dans la langue arabe, que ça peut vouloir, le fait de vouloir dire de diminuer aussi. Dans le verset, que l'homme avait deux jardins, dans Surat al-Kahf, celui qui avait deux jardins, qui donnait de ses fruits et qui ne manquait de rien. « Walam tazlim minhu shay'a » Donc, il avait aucune perte dans ses récoltes. Toutes les fruits étaient bons. Hein? Il dit, Fallahu, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice. Et il n'est pas possible non plus qu'il fasse porter à quelqu'un le péché qu'il n'a pas fait. Donc, Allah, il ne va pas te punir pour le péché que tu n'as pas commis. Hein? Et s'il le faisait porter à quelqu'un, un péché qu'il n'a pas commis, ce serait de la transgression. Et il n'est pas possible non plus qu'il te diminue de ta récompense pour une action que tu as fait, un bien que tu as fait. Parce que ça, ce serait une diminution ou le fait de t'enlever de tes récompenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 112, dans Surat Taha, quiconque fait des bonnes œuvres alors qu'il est croyant, alors il n'a pas à craindre de l'injustice ou yani, qu'on lui enlève quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de craindre qu'on lui fasse une injustice en lui faisant payer pour les péchés qu'il n'a pas commis ou en lui enlevant des hasanat de qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action. Et ça, c'est le verset, comme j'ai dit, 112, dans Surat Taha. 112 dans Surat Taha. Le cheikh il dit وقلنا لكمال عدله لأنه انتفاء لأن انتفاء الظلم قد يكون لعجز من أراد أن يظلم فمثلا لو قلنا عن فلان ما شاء الله البارحة كل الليل لم يسرق لكان الأبواب مغلقة فإن هذا لا يعد كمالا ولذلك وذلك لعجزه عن السرقة وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا مثل أن تقول الجدار لا يظلم أو قلت جدارنا جدار رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمهم فإن هذا ليس مدحا لأنه غير قابل لأن يتصف بالظلم فهل كون الله لا يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم لا إذن لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم لأنه قادر ولو لكونه لم يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه من هذا عز وجل ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولو كان لا يقدر أن يظلم لما تمدح بهذا عز وجل فهو يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لأنه حرم الظلم على نفسه ولو كان غير قادر ما كان مدحا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait pas d'injustice. Pourquoi? À cause de la perfection de sa justice. Sa justice est parfaite. Et donc le cheikh il dit parce que il ne fait pas d'injustice, pas parce qu'il est incapable de faire de l'injustice. Comme par exemple si tu dis de quelqu'un, oh mashallah, hier un tel il n'a pas volé toute la nuit parce que la porte était fermée. Est-ce que ça c'est une glorification? Non, c'est pas une glorification parce que tu es en train de dire que c'est pas parce qu'il pouvait, parce qu'il voulait pas voler, c'est parce qu'il pouvait pas voler. Donc dans ce cas-là, il y a aucune glorification dans le fait de dire que ah mashallah il a pas volé. Hein? Mais si tu aurais dit par exemple mashallah toute sa vie il a pas volé, alors que il travaillait par exemple dans une bijouterie et il jouait avec de l'or toute la journée. Il n'a jamais pris un gramme d'or. Hein? Là, ça c'est une glorification, oui ou non? Oui. Hein? Parce qu'il a la capacité, mais il a, de lui-même il n'a pas fait. Hein? Donc ici c'est la même chose. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, hein? Mais c'est parce que c'est sa perfection dans la justice. Hein? C'est pour ça qu'il ne fait pas d'injustice à personne. Et il dit de même que si tu dis à propos de quelque chose qui à la base ne peut même pas être injuste et que tu la glorifies en disant qu'elle est juste, dans ce cas-là ce ne sera pas non plus une glorification. Et le cheikh il donne l'exemple d'un mur. Il dit si tu dis ah le mur il ne fait d'injustice à personne, est-ce que ça c'est une glorification pour le mur? Non, parce que de toute façon le mur il peut pas faire d'injustice. Hein? Tu dis par exemple le mur il fait de l'ombre pour les gens, hein? Et puis il ne fait pas d'injustice à personne. هذا هو العدل تمام العدل لله سبحانه وتعالى تقصد لماذا لأن الأمور يعني لها قيمتها يعني التي سبحانه الله سبحانه وتعالى يعني لأن أحيانا قد لا يعرف الناس قيمة الشيء هذا هو. Peut-être que des fois quelqu'un il va pas comprendre la valeur de quelque chose. Si tu vas prendre par exemple une montagne de péché, comme l'homme qui avait l'exemple du frère, qu'est-ce qu'il a mentionné, le hadith des 99 recueils de péchés. Un homme, il est venu avec une pile de 99 livres, dedans il y avait tous les péchés qu'il a fait. Alors quand il a vu les quantités de livres de péchés qu'il avait, et qu'on les a mis sur la balance, l'homme il a dit à Allah, ça, comme si moi j'ai rien, comme si avec tous ces péchés-là, qu'est-ce que je vais pouvoir espérer de la miséricorde avec tous les péchés que j'ai commis, 99. Et quand il va, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, non, regarde, il y a une carte ici, une petite carte. Et il dit, l'homme il dit, mais qu'est-ce que cette carte peut faire à côté de ces 99 recueils de péchés? Hein? Il a dit sur cette carte, il était seulement écrit La ilaha illallah. Il a dit, il a mis cette carte dans la balance et la carte était plus lourde que les 99 livres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Pourquoi? Parce que nous, des fois, on ne connaît pas la valeur des choses. Hein? Peut-être que quelqu'un il a fait beaucoup de péchés, mais ces péchés-là, à côté de La ilaha illallah, ça n'a aucun poids. Hein? parce que le tawhid c'est la base, c'est ça qui est le plus lourd dans la balance. Hein? Exactement. Donc ça c'est de la justice. Peut-être quelqu'un va dire mais ça c'est pas juste. Non, mais c'est parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui n'ont pas le même poids. Wa alaykoum salam. Si quelqu'un il a 1 million de péchés, mais c'est des péchés qui pèsent même pas, par exemple, même pas 1 gramme chaque. Puis tu lui mets une carte qui pèse 200 tonnes. Tu le mets de l'autre côté. Là, il pèse plus que tous ces petits péchés-là qu'il a fait. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme dans le Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a dit si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur la balance et qu'on mettrait la ilaha illallah sur l'autre côté, la ilaha illallah serait plus lourd que tout ça. Et donc tout ça c'est pour montrer, tu vois, que Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, mais il faut comprendre que la justice d'Allah elle est basée sur la vérité, hein, pas sur nos notions à nous qui sont parfois biaisées de la réalité de qu'est-ce que signifie la justice. Parce que les êtres humains, là, ils font de l'injustice au nom de la justice. Hein? C'est comme quand on dit, par exemple, par rapport aux élections, ils font voter tout le monde. Le croyant, il met son vote. Le mécréant, il met son vote. Le savant, il met son vote. L'ignorant, il met son vote. Pour les gens hein, qui ne croient pas en Allah, au jour de la résurrection, la parole du croyant, la parole du mécréant, elle n'a pas la même valeur. Hein? Le croyant, il vote selon sa foi ou bien il va agir selon sa foi. Le mécréant, il va agir selon sa mécréance. Le savant, il va juger selon la connaissance qu'il a. L'ignorant, il va agir selon son ignorance. Mais si tu mets ces deux choses à égalité, ça c'est une injustice. De mettre le savant à égalité avec l'ignorant, de mettre le croyant à égalité avec le mécréant, et de penser que les jugements des deux ont la même valeur et le même poids, ça veut dire que tu fais de l'injustice. Mais pour les hommes, hein, ils pensent que ça c'est de la justice. C'est comme si tu mets la vérité et le faux à égalité. Puis tu dis ça c'est d'égal. Moi je veux être égal. Je veux mettre la vérité et le faux à égalité. Ça c'est de l'injustice. Tu peux pas faire ça. Celui qui adore une statue et celui qui adore Allah, tu dis les deux c'est égal. Chacun il adore ce qu'il veut. Ça c'est de l'injustice. Hein? Donc la justice c'est pas la justice biaisée par les notions des corrompues là, de certains qui suivent leur passion. Wafika barak. Le cheikh il dit ensuite que donc quand on dit du mur qu'il ne fait pas d'injustice, ça c'est pas une glorification, parce que le mur ne fait pas d'injustice à la base, même s'il ne peut même pas faire d'injustice parce qu'il est incapable de le faire. Il ne mérite même pas qu'on dise ça à son sujet, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il a la capacité de le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il est juste et sa justice est parfaite, hein? Mais il serait capable de le faire, hein? Même si on ne va pas dire ça de lui, mais il serait capable de le faire, puisqu'il mentionne dans le hadith al-Qudsi, « Oh mon serviteur, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'ai rendue interdite entre vous. Hein? » Donc, il est capable de le faire, mais s'il n'était pas capable de le faire, ce ne serait pas une glorification de dire qu'il ne fait pas d'injustice. Hein? « Idhan, الله لا يظلم ولا بد أن تقول بعدها لكمال عدله والدليل قوله ولا يظلم ربك أحدا. Donc quand tu dis que Allah ne fait pas d'injustice, tu dois rajouter après à cause de la perfection de sa justice, tu dois affirmer son parfait opposé, son parfait contraire, pour que ça donne le sens d'une glorification. C'est-à-dire que tu dois le comprendre. Même si tu le dis pas, mais c'est sous-entendu que si tu dis que Allah ne fait pas d'injustice, ça implique qu'il est parce qu'il est parfaitement juste. Sinon, c'est pas une glorification. D'accord? De même que ensuite, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on va continuer la suite de ces explications-là. C'est maintenant, on a fini l'explication des noms et des attributs. Maintenant, on parle des négations. Puis aussi, on va parler de certaines règles à propos des noms et des attributs avant de passer à la foi en les anges. Hein? C'est fun. C'est ça. Donc le cheikh il va faire un petit résumé par rapport aux questions qui ont rapport avec les noms et les attributs et les règles à ce sujet-là et ceux qui essaient de les nier. Puis après on passe au pilier de la foi suivant, c'est-à-dire la foi en les anges. Il reste encore une quinzaine de pages, inchallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.